laisse-moi tranquille, je veux pas que tu me suives. Laisse-moi, tu me saoules, parfois ça roule. Pour moi, sans toi, autour, je veux plus de toi. Laisse-moi, tu me saoules, parfois ça roule. Pour moi, sans toi, autour, je veux plus de toi. Toutes les fois où tu m'as vexé, je veux vraiment. Laisse-moi tranquille, oui c'est fini. Laisse-moi, tu me saoules, parfois ça roule. Pour moi, sans toi, autour, je veux plus de toi. Laisse-moi, tu me saoules, parfois ça roule. Pour moi, sans toi, autour, je veux plus de toi. Laisse-moi, tu me saoules, parfois ça roule. Pour moi, sans toi, je veux plus de toi.